بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام على رسول الله. Je vais vous présenter dans les prochains mois, بإذن الله, une série d'audio et de vidéos venant de frères très sincères en islam qui disposent d'un minimum de science et de, on va dire, de légitimité pour donner la direction à prendre pour un certain nombre de musulmans, de frères et sœurs en islam. Les mois et les années qui vont arriver, on va être confronté à un certain nombre de décisions à prendre, très importantes, de choix très difficiles à faire, et les choses vont devenir très compliquées pour la Oumma, le sont déjà, mais ça va de plus en plus, petit à petit, venir à nous. Nous qui sommes en Europe, en France, en Suisse, en Belgique, partout, dans tous les pays du Nord, on va de plus en plus être persécutés, on va subir des choses horribles. Donc il va falloir commencer à sortir de ses habitudes, de son quotidien, et commencer réellement à penser à mettre en pratique un certain nombre de choses qui nous ont été recommandé par Allah Azzawajal et son messager, alayhi salatu salam, que ce soit dans l'application, que ce soit dans la hijra, que ce soit dans notre désaveu par rapport à un certain nombre de choses qu'on essaie de nous imposer. Donc, malheureusement et heureusement, il y a de grands débats actuellement parmi les prêcheurs, on va dire. Ces débats sont là tout simplement car la situation est grave et extrêmement tendue et que les musulmans aujourd'hui sincères ont besoin de réponses par rapport à un certain nombre de points. Il y a énormément de nœuds à dénouer, il y a énormément de problématiques à régler, il y a énormément de contextes à prendre en compte. Donc il va falloir tout poser sur la table afin de se mettre d'accord sur un chemin à prendre et d'entrer dans un consensus général, toujours bien évidemment en se référant au Coran, à la Sunna et aux savants authentiques, contemporains et passés. Donc je laisse place, Inch'Allah, au frère El Ad-Dominicani, que j'apprécie particulièrement par rapport à sa science, à sa sincérité, qu'Allah Azzawajal le protège de l'ostentation et qu'il le préserve de toutes les épreuves venant des kuffars. Voilà, je laisse place à Dominicani. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bonne écoute. On demande qu'Allah nous l'accepte. Allahumma inna na'oubu bika min an nushrika bika shay'an na'alamu wa nastaghfiruka lima la na'alamu. Dans le sens rapproché, ça signifie, oh Allah, pardonne-nous de t'associer quoi que ce soit, de t'associer quoi que ce soit dont nous aurions la connaissance et préserve-nous de ce que nous risquerions de t'associer dans ce que nous ignorons de toi. Ainsi, ceci sera une préservation pour nous, bifadlillah, contre l'ostentation. Et nul d'entre nous présents ici n'est à l'abri de cette chose immonde. Donc qu'Allah nous en préserve et qu'il nous permette de parler au nom de l'amour de lui, au nom de l'amour pour l'islam et au nom du souhait qu'on a de voir l'islam triomphant, Inch'Allah ta'ala. Donc, sur le sujet du taqlid, je vais essayer, bifadlillah, de préserver le groupe, le préserver d'assertions personnelles, de phrases personnelles, d'idées personnelles, de concepts personnels qui peuvent ne correspondre qu'à une partie de la vérité. Hein. Un individu ne se présente jamais aux autres en tant que détenteur officiel et unique de la vérité. Donc ici, sur le fait du taqlid, je veux vous proposer la lecture d'un texte tiré d'un site que je vous recommande vivement. Si vous ne le connaissez pas, il s'agit de Musulmans du Monde. Je répète, le site Musulmans du Monde. Le texte, le voici. Il est intitulé Bismillahirrahmanirrahim. Surtout, excusez-moi, je ne peux pas intervenir sur les réflexions, les questions, les choses qui pourraient être dites dans le dans les échanges pour le bienfait, Inch'Allah Ta'ala, en tout cas, et Allah qu'on donne le bienfait possible de mes propos. Je ne peux pas intervenir à droite et à gauche, donc je dois rester concentré sur ce que je vais vous dire. Le sujet étant, et il n'est pas très long, je vous rassure, Bismillahirrahmanirrahim, le sujet étant donc la grande majorité. As-Suwadul A'zam, introduction. Et c'est un texte donc que vous pouvez trouver sur le site Musulmans du Monde, dans la rubrique Minhaj ou Mise en garde. Allahu a'lam, je vous mettrai le lien quand l'intervention sera terminée, Inch'Allah ta'ala. Introduction. Un argument souvent utilisé par les groupes déviants actuels afin de convaincre qu'ils sont sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons radiyallahu anhum et qu'ils disent appartenir à la grande majorité. As-Suwadul A'zam du peuple en disant ces hadiths concernant la Jamma'a, le groupe. Nous avons dans un hadith rapporté par Ibn Majah, rahimahullah, en vérité, ma communauté ne s'accordera jamais sur l'égarement. À chaque fois que vous assistez à un désaccord, accrochez-vous fermement au groupe le plus large. Ceci est rapporté par Ibn Majah. Suivez la voie au plus large, groupe des musulmans, car celui qui s'écarte de ce groupe sera envoyé en enfer. Autre hadith, rapporté par Ahmad, barakallahu fik akhi Youssef. Autre hadith rapporté par Ahmad. Le diable poursuit les hommes sans relâche, comme un loup poursuit des moutons. Le loup ose seulement attaquer les moutons qui se sont séparés du reste du troupeau et qui sont seuls. Et donc, mes suivants et dévoués, préservez-vous de vous laisser prendre dans les pièges de l'égarement et demeurez fermement avec le groupe de musulmans le plus large et le plus connu. Donc, encore une fois, ceci est rapporté par l'imam Ahmad, rahimahullah. Allah ne permettra jamais que ma communauté s'unisse sur l'égarement et les croyances incorrectes. La miséricorde d'Allah, ses bienfaits et sa protection sont avec le groupe le plus large de musulmans, et celui qui dévie de ce large groupe sera envoyé en enfer, rapporté par Tirmidhi. Celui qui dévie, autre hadith rapporté par Abu Daoud et Ahmad, rahimahumullah. Celui qui dévie du groupe de musulmans le plus large, même d'un empan, a coupé lui-même sa connexion avec l'islam. Celui qui se sépare de la majorité et méprise le gouverneur rencontrera Allah en ayant perdu tout honneur, rapporté par Ahmed. Allah n'unira jamais cette communauté dans l'égarement. La main d'Allah est avec la majorité. Vous devez donc suivre le groupe le plus large, car celui qui en dévie est guidé vers l'enfer, rapporté par Naysaburi dans Al-Mustadrak. Deux est mieux qu'un seul, trois est mieux que deux et quatre est mieux que trois. Vous devez vous accrocher à la majorité parce qu'Allah n'unit pas ma communauté, si ce n'est sur la guidance, rapportée par Ahmad rahimahullah. Reconnaître les bienfaits d'Allah est une gratitude, les rejeter est une mécréance. La communauté unie est une miséricorde et s'en séparer n'entraîne que tribulation, rapportée par Ahmad et At-Tabarani, rahimahumullah. À présent, voici l'explication de ce qu'est Suwadul A'zam selon les savants de la Sunna. Mais vous verrez que l'explication opposée des Ashari'a, Soufis ou Ahbash, même croyance pour ces groupes. Donc les explications suivantes. Tout d'abord de Ishaq ibn Rahawayh. Excusez-moi pour les fautes de prononciation, je précise tout de suite pour le groupe qu'on ne prenne pas pour ce que je ne suis pas. Je ne suis pas arabophone, j'essaye en fonction des connaissances que j'ai à partir de la prononciation du Coran, de l'appliquer à ce que je lis en français. Mais je ne suis pas arabophone et qu'on n'imagine pas à mon sujet ce qui n'a pas lieu d'être. Bismillahirrahmanirrahim. Donc, Ishaq ibn Rahawayh a dit: si vous interrogez les gens ignorants à propos du Suwadul A'zam, ils diront que c'est la majorité des gens. Ils ne savent pas que la Jamma'a est le savant qui s'accroche aux narrations du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et à son chemin. Ainsi, quiconque est avec lui et le suit, alors, il est la Jamna'a. Ceci est rapporté par Abu Nu'aym dans Hilyatul Awliya. Hilyatul Awliya. L'imam al-Shatibi, rahimahullah, a dit, regardez ce qu'il, Ishaq ibn Rahawayh, mentionne dans l'explication de l'erreur de celui qui pense que la Jamma'a est la majorité des gens, même s'il n'y a aucun savant parmi eux. Même s'il n'y a aucun savant parmi eux, et c'est la compréhension des gens du commun, pas la compréhension des savants. Ainsi, laissez la personne qui est d'accord pour planter ses pieds en ces lieux où les erreurs arrivent pour qu'il ne dévie pas du chemin correct, et il n'y a de succès qu'en Allah. Ibn Hibban, rahimahullah, a dit, l'ordre d'adhérer à la Jamma'a est général dans la formulation et sa signification est spécifique. Sa signification est spécifique parce que la Jamma'a est le consensus, l'ijma, des compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi quiconque s'accroche à ce sur quoi ils étaient et laisse ce qui est arrivé après eux, alors il n'est pas coupé de la Jamma'a. Alors il n'est pas coupé de la Jamma'a. Ni ne s'en est séparé. Quiconque se coupe d'eux et suit ceux qui sont venus après eux, quiconque se coupe d'eux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons, radiallahu anhum, quiconque se coupe d'eux et suit ceux qui sont venus après eux, il s'est séparé de la Jamma'a. La Jamma'a, après eux, est les gens qui sont unis sur la religion, l'intelligence et la connaissance, et ils adhèrent au délaissement des passions, même s'ils sont peu dans le nombre. Ils ne sont pas la racaille, aoubache des gens, même s'ils sont nombreux. Sahih ibn Hibban. Omar ibn Maymoun al-Aoudi, rahimahullah, a dit, Mu'ad ibn Jabal, radiyallahu anhu, est venu à nous à l'époque du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi. Mon amour pour lui a grandi dans mon cœur, donc je me suis accroché à lui jusqu'à ce qu'il soit enterré dans le sable du Sham. Puis je me suis accroché au plus savant des gens après lui, Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Ainsi, un jour, on lui a mentionné le retardement de la prière de son temps, alors il a dit, priez dans vos maisons et faites de votre prière avec eux une prière surérogatoire. Donc je lui ai dit, alors comment serons-nous dans la Jamma'a? Donc il m'a dit, ô Omar ibn Maymoun, en vérité, la majorité des gens sont ceux qui se sont séparés de la Jamma'a. La Jamma'a est seulement celle qui est en accord avec l'obéissance à Allah. Même si tu es seul. Sahih, rapporté dans Sharh Usul al-I'tiqad au numéro 160. Je vous préserve de la prononciation des autres sources, je ne veux pas faire tort dans ma prononciation. En tout cas, ceci est authentifié par Al-Albani, rahimahullah, dans Takhrijul Mishqatil Masabih, rahimahullah. L'imam Abu Shama a dit, rahimahullah, quand vient l'ordre de s'accrocher à la Jamma'a, alors la signification est d'adhérer à la vérité et de la suivre, même si ceux qui s'y tiennent sont peu et que les adversaires sont nombreux. Ceci parce que la vérité est ce sur quoi était la première Jamma'a du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons, radiyallahu anhum, et ne regardez pas le grand nombre des gens du mensonge après eux. Conclusion. Sachez, mes frères et sœurs, que le nombre dans le peuple n'a jamais été signe de vérité. Allah ne dit-il pas Et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Ils ne suivent que la conjecture et ne font que fabriquer des mensonges. Sourate Al-An'am, verset 116. Concernant le nombre de gens embarqués sur l'arche avec Nuh, alayhi salam, il est rapporté par Ibn Abbas, radiallahu anhu, qu'ils étaient 80 personnes avec leurs femmes. La majorité ne garantit pas l'adhésion à la vérité. D'ailleurs, Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, dit « Le groupe d'origine, c'est ce qui est conforme à la vérité, même si tu es seul à le suivre. Même si tu es seul à le suivre. Même si tu es seul à le suivre. Alors, à ceux qui n'ont comme argument que les mathématiques, nous leur disons « Accrochez-vous à la vérité, même si vous êtes seul. » سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Ça peut compléter ce qu'il a dit frère Dominican. Donc là, c'est pas sur le taqlid, mais c'est sur le fait que la vérité, en fait, ne sera pas dans la majorité. Parce que il y a beaucoup de personnes qui font l'erreur de définir la jama'a, ce qu'on appelle la jama'a, comme la majorité, alors que c'est totalement faux. Donc il y a beaucoup de hadiths qui parle de ça. Donc là, je vais lire le texte, donc je vais pas voir les commentaires. Ça va durer juste 5 minutes, Inch'Allah. La vérité ne se trouve très certainement pas dans la masse majoritaire des musulmans. La vérité n'est suivie que par une minorité qui sont rejetées par les autres, bannies de leur peuple au point d'être dénigrées et insultées. Ce chemin vers la vérité est aussi dur que tenir une braise chaude dans sa main droite, telle que l'a dit notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, je vais vous citer plusieurs hadiths, inshallah. Il viendra un temps où il ne restera de l'islam que le nom et du Coran que des lettres. Leurs mosquées seront pleines, mais vides de toute idée, et leurs savants de la religion seront les pires êtres vivants en ce temps-là. Hadith rapporté par Ali ibn Abu Talib, radiallahu anhu. Dans le Kamil d'Ibn Uday et le livre Les branches de la foi d'El Bayhaqi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, mais parmi les signes de la fin des temps, le croyant sera parmi son peuple aussi peu considéré que l'agneau fétiche, rapporté par Ibn Mas'ud. Il a dit aussi, alayhi sallati wa sallam, l'islam est apparu étrange et redeviendra étrange. Heureux seront les étrangers. Puis on lui demanda, mais qui sont les étrangers, ô messager d'Allah? Il répondit, ceux qui sont rejetés par leur peuple. Hadith rapporté par Ibn Hanbal, Ad-Darami et Ibn Majah. Dans la version rapportée par Abu Bakr el-Ajuri, il est dit, nous avons demandé, et qui sont ces étrangers, ô messager d'Allah? Il répondit, ceux qui rétabliront l'ordre, el-Islah, lorsque les gens auront semé la corruption, el-Fasad. Hadith rapporté par l'imam Ahmed. Et d'après Abdullah ibn Amr, radiallahu anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, bienheureux seront les étrangers. Nous lui demandâmes, et qui seront ces étrangers? Il répondit, une minorité. Et là, il dit bien, une minorité parmi une masse de gens mauvais, qui les dénigreront au lieu de les écouter. Il est dit aussi, dans une autre version de rapportée par l'imam Ahmed, une minorité de gens vertueux parmi une masse de gens ignobles. Ces gens vertueux seront peu suivis et la plupart des hommes s'écarteront d'eux. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit, toute chose a une ascension et un déclin. L'ascension de cette religion s'est faite avec la prophétie qu'Allah m'a confiée afin de dissiper l'aveuglement et les ténèbres dans lesquelles vous étiez plongés. De même que cette ascension se poursuivra jusqu'à ce que tous les membres d'une seule tribu soient versés dans le savoir religieux et qu'il ne restera parmi eux qu'un ou deux infidèles, vivant dans la honte et la marginalisation. S'ils essayaient de manifester leur mécréance, ils seraient aussitôt réprimandés et bannis. Et le déclin de cette religion se fera lorsque ces mêmes tribus se corrompront entièrement, qu'il ne restera parmi eux qu'une ou deux personnes versées dans les sciences religieuses et qu'ils vivront dans la honte et la marginalisation. Dès qu'ils appelleront leur peuple à la religion, ils seront réprimandés et bannis. Ils seront en effet oppressés et humiliés et ne trouvant personne pour les soutenir et les aider. Hadith rapporté par At-Tabarani et d'autres rapporteurs aussi. Et on connaît tous la parole d'Allah Azza wa Jal dans Surat An-Nam, verset 116. Et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Donc tout ça, c'est des preuves comme quoi le mot qui est souvent rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-jama'a, ne veut absolument, absolument pas dire la majorité. C'est toujours une minorité. Voilà. Barakallahu fikoum. Salam alaykoum.